Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Lemularamé avec sa chronique musicale télécharge quoi? Stéphanie Gagné avec son plan favori. Et vous à Assemblage requis. Bonjour à vous et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Nous sommes le mardi 14 septembre 2010, il est 7h11, François-Olivier Marchand est devant moi. Bonjour Mathieu. Bonjour à toi, bonjour les requins. J'espère que ça va bien ce matin. Ouais, j'espère que ça va mieux que François-Olivier Marchand. Oui, je suis grippé aujourd'hui. Oui, un tombeur de dames comme ça, grippé, c'est pas beau. Pas aujourd'hui, en tout cas. Ça va manger des tranches d'orange et boire du jus d'orange et manger des vitamines à l'orange. Et puis, ça va être très orange comme journée, je trouve. Oui. Ouais, oui. Ça va être une belle journée. On va essayer de faire disparaître ça, peut-être pour demain, malgré que je suis peut-être un peu optimiste. Mais... peut-être, oui. On va voir. Mais c'est pas grave, on a un menu chargé quand même. Oui, ben, je pense que c'est le menu le plus chargé de cette semaine qu'on va avoir. On a trois chroniqueurs aujourd'hui. Demain aussi, par exemple, demain, on reçoit des gens de la Luitre, ligne d'improvisation, universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. D'universitaire. D'universitaire d'improvisation de l'université là, de Trois-Rivières, Et puis, on reçoit aussi Mme Noémie Guimond de l'accorderie qui va venir nous dire c'est quoi l'accorderie, à quoi ça sert et puis pourquoi il faudrait s'inscrire à ça. Mm-hmm. Mais ça, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Oh, ouais, c'est demain. C'est ça, exact. Aujourd'hui, on a Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Donc, elle va nous présenter ses coups de cœur artistiques de la semaine, musicaux, cinématographiques, un peu n'importe quoi. On va voir Maxime Lemularamé avec sa chronique musicale Télécharge quoi. Et aujourd'hui, dans sa chronique, il va nous parler de Ratatat. Qui est un spectacle qui a été voir. Mm-hmm. Ça va être excellent. Aussi de Interpol et puis de Mister Valar qui eux vont être demain soir à l'UQTR. Ah oui. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre aussi. On a Émilie Gauthier avec la suite de sa chronique sur les tentes. Hey! Oui, moins de jeux de mots dans cette deuxième partie. Là. Oh, c'est fini. Un peu plus écoutable. Aussi, une chronique c'est un fait avec des choses un petit peu bizarres, dont un fait sur SpongeBob SquarePants. Bob l'éponge. Bob l'éponge. Tout à l'heure, mais pour l'instant, on commence l'émission en musique avec le couleur. Voici Origami. Ah, c'est fou. 89 FM. Bon matin. François, muqueuse. Alexandre Béliard. Jack. C'est bon? Jack l'éventreur n'est plus à Londres, c'est le nom complet de la pièce, c'est sur son album Des fantômes, des étoiles. Alexandre Béliard, qu'on aime beaucoup et qui est dans le palmarès francophone de C'est fou. Merveilleux. Oui, vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. D'ici la fin de l'émission, on a des tonnes de chroniqueurs, mais toi, François, on l'a dit tantôt, t'es mêlée? Je suis malade. J'ai la grippe, mais inquiétez-vous pas, à la maison ou dans votre tour, ça ne s'attrape pas comme ça. Pas encore. Les technologies vont avancer un jour, là. Ouais. Quand les maîtres sur Terre seront des robots, peut-être qu'on aura la grippe transmise par la radio. Mais non, mais c'est que tu vas avoir plus de temps si t'es malade vraiment beaucoup pendant les prochains jours, ce que je te souhaite pas, là. Hein? Mais tu vas peut-être pouvoir jouer à des jeux vidéo. Des jeux vidéo? Mm-hmm. Parlant de jeux vidéo, quelle bonne... Merci. Ça, Mathieu m'impressionnera toujours. Je vais vous parler de Call of Duty Black Ops, qui va sortir le 9 novembre prochain. Pas des Black Ops, comme des polices noires. Là. Non, Black Ops. Ops, opération. Ah. Ouais, exactement. Mathieu, je t'en avais déjà parlé de Call of Duty Modern Warfare. Trop d'air pour un marché francophone, ouais. Je trouve, ce jeu-là, mais bon, c'est peut-être juste moi. Hey, jeu que j'ai joué et j'ai rejoué pratiquement à perpétuité. Ma copine l'a même dénigré un peu ce jeu quant à mon absence au lit. Ouais. C'est poche, hein? Ouais. Hein? Mais c'est vraiment apprenant, ce jeu-là. C'est un jeu, en fait, de tir subjectif édité par Activision. Ah. Bonne compagnie dans le domaine des jeux vidéo. Black Ops, ça va être c'est le 7e titre principal de Call of Duty. Il est prévu pour le 9 novembre 2010. Allez, Mathieu, je te fais une petite parenthèse comme ça. Là. Si tu peux taper en même temps, là, aller sur un site où ce qui vendent, où ce que tu peux précommander Call of Duty, mm-hmm. Tu vas voir que tu peux... Il y a comme un package deal, okay. Que tu peux acheter une auto télécommandée avec une caméra dessus que tu peux voir sur ta manette comme, hein? Comme dans le jeu vidéo. Non. Oui. Hein? Allez voir ça. Moi, je l'ai vu sur Future Shop. Là. Okay. Ça se vend de mémoire, là, 149,99 avec t'as l'auto téléguidé avec la petite caméra et puis que tu peux regarder malade. Où ça s'en va. Je sais pas si ça fonctionne bien, quoi que ce soit. Là, mais bref, un beau petit gadget. Le pourquoi d'ailleurs qu'on se trouve ce gadget-là, c'est parce que dans le jeu, on va pouvoir télécommander une auto et puis aller la faire sauter en dessous de nos ennemis. c'est formidable. En fait, vous pouvez aller voir les previews sur Internet. Et puis, je pense que ça va être un des jeux très, très, très, très hot en 2010. Oui, ça sort quand? Le 9 novembre, juste avant Noël. Très bon, une très bonne date. Qu'est-ce que je veux dire? Call of Duty Modern Warfare avait battu tous les records en frais de vente en peu de temps. Là. Et puis, je pense que Black Ops, ça va égaler ou sinon surpasser. Surpasser. Mais avec les jeux en ligne, là, on réinvente. Là. Ça n'a pas de fin, ces jeux-là. Là. On peut, non, ça n'a vraiment pas de fin. Mm. C'est ça qui est le fun. Contrairement au jeu que moi j'attends le 21 novembre, juste un petit peu plus tard, Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong Country Returns. Ouais, c'est pas la même chose. Pas tant online, ça. Pas tant online. Mais j'ai très hâte pareil. Oui. Ouais, chacun son genre de jeu. Chacun son genre de jeu. Merci François. Ça fait plaisir. Tantôt, on va recevoir Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Elle s'en vient dans quelques minutes à peine. Le temps qu'on écoute. J'espère qu'elle sera pas en retard. Non, j'espère non. Moi j'y fais confiance pleinement. Je suis sûr qu'elle va être exactement dans la seconde près. On écoute The New Pornographers, voici Silver Jenny Dollar sur le palmarès anglophone de C'est fou. Vous êtes à Assemblage Requis au 89 FM. Silver Jenny Dollar. over, the war is over. A parcel of landmen are scum, it's true, they love you. Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage Requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Oui, toujours Assemblage Requis, François. Ça te fait toujours rire, hein, celle-là? Je l'adore. Je la trouve tellement séduisante. Ta voix. Merci. Bien sûr. Ouais. Merci. Mm-hmm. Oui. Hein? Bon, vas-y. Non, vas-y. Non. Mais c'est le matin, pas de silence inconfortable, même si moi, personnellement, j'aime ça. Des silences inconfortables. Non, mais hein? Je m'en allais dire, tu me trouves séduisante. Oui, je te trouve séduisante. Je te renvoie le compliment. Merci. Les chaleurs. Accueillons bon. Stéphanie Gagné, voici. Hey. Sa chronique, ton plat favori. Oh, est-ce qu'il fait chaud ici ou est-ce que c'est juste Stéphanie Gagné? Non. Salut. Allô. Ça hey Steph. Hey, je vous interromps pour ton intro là. Ça arrêtait pas pire un son de four à micro-ondes. Ton plat favori. Ouais. Ouais. Ouais, mais là c'est la chanson ton plat favori. Il y a comme ouais. un petit lien. Ouais. Non. Vous autres, on a déjà quand le même pas pire. Ouais. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai pensé à ça. Peut-être ça. Hein? On en fait des liens, on a des plats même dans notre intro, c'est comme un des différents morceaux de l'émission. Et Stéphanie Gagné qui est ici avec nous chaque mardi matin pour sa chronique sur ses coups de cœur de la semaine. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de rock. Coup de rock. Oh, ouais. Cœur de loup, m'as-tu vu? Hey, non, c'était cœur, c'est l'émission. Avec Brett Michaels. Ah, sac. Hey, hein, puis c'est ses vrais cheveux. C'est clair. Est-ce que c'est ses vrais poils partout? Ah, il est mortel ce gars-là. Ouais. Il est... Dégalasse. Il me brise le cœur. Bref, c'est vraiment pas... Bref ou Brett? Bref ou Brett? C'est pas du tout coup de rock qui mon coup de cœur. Bref ou Brett, ça me fait penser à Black Tabou. Parle pas trop d'exactement non, c'est quoi, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Les gens comprennent tout ça. Peut-être. Ou peut-être pas. Puis combien de temps jusqu'à maintenant d'intro avant que tu fasses ta chronique? C'est 2 minutes à peu près. À peu près. Ouais. Fait qu'on va y aller. Oui. Avec Brett Michaels? Non! Hein? Cette semaine, mon plat favori, c'est un groupe qu'on connaît quand même pas mal ici. On en fait jouer quand même de temps en temps. Mm-hmm. C'est Yes Ayer. Et moi, j'avais plus ou moins accroché, mais là, cette semaine, j'arrêtais pas d'entendre la chanson One ou O.N.E. Point. One. Point. Oui, oui, un point à la fin aussi. Point final. J'arrêtais pas de l'entendre partout. Puis là, je me suis dit, hey, finalement, c'est peut-être bon. T'sais? Partout étant assez fou. Non, je l'ai entendu dans une publicité à Much Music. OK, ah. Phew. Hey, passe à ça. Elle s'en est bien sauvée, ouais. Much Traître. Music, voyons donc. Mm-hmm. On a le droit d'écouter ça. Liberté. Pays libre. Eh hey, ouais, ça me Ouais, t'as vu, là. Bref, c'est ça. Yesayer, groupe fondé à Brooklyn, New York, 2006, groupe expérimental, pop, alternatif. Il y a vraiment plein de qualificatifs. Crunk. Crunk. Folk un peu. Il y a des influences aussi des années 90 qui font en sorte que j'aime encore plus le groupe. Ils ont deux albums à leur actif. All Our Symbols en 2007 et Odd Blood qui est sorti plus tôt cette année en février, je crois. Et c'est ça, il y a des clips aussi que vous pouvez aller voir sur la blogothèque. Et sur leur MySpace aussi, vous pouvez voir plusieurs clips. Des clips pour Matter Red, pour One et pour Ambling Hope. MySpace. Ouais, qualité zéro, mais tu sais, pour voir des clips. Ouais. Ou YouTube, si vous préférez. Ça fait pas si longtemps que ça. MySpace était encore pas mal dans le top. Mm-hmm. Not anymore. Not anymore. Mm-hmm. Non, et... Not even more. No. Alors, c'est ça. La chanson que j'ai choisie, c'est One. C'est une excellente pièce. J'espère que vous allez l'aimer. Bon. On écoute ça. Allons-y. Dans le bloc, ton plat favori de Brett. Michael. Michael. Brett pis les pets, ça va voir. T'en bats tout. Brett a des vrais cheveux. I'm On est loin de Poison. Ah, Bret Michaels encore. Bret Michaels. Bret Pirate, ouais, on est assez loin de Poison. Le jour où je vais arriver avec du Poison, là, je vais être vraiment plus malade que là. Ben, amène Bret Michaels. Amène non. J'aimerais ça y passer une petite entrevue. Une petite brosse dans les cheveux. Yeah. C'est pas, hein? Pas sûr. Moi, j'aimerais ça y faire prendre une douche. Parce qu'il doit tellement être crotté avec toutes les filles dégueulasses qu'il y a dans son émission. La diffamation, ça, là, le minute. Ah, non. Wow. Non, non. Moi, je dis qu'il doit sentir bon. Ah. C'est dans tes goûts pas mal, ça. Dans ma palette. Donc, c'était ton plat favori, Yes Sayer. Ouais, avec la pièce One. Moi, c'est le moment de mon dessert. Your favorite dish? My favorite dish, my favorite dessert. C'est en fait deux publicités télé pour le jeu Steve Young Football. En fait, c'est des parodies. Je sais que ça a l'air stupide parce que le football, c'est tellement pas Mathieu Plante. Non. Hein? Les sports en général, l'activité physique, se lever debout, n'est pas très Mathieu Plante. Mais sans blague, Steve Young Football, publicité des années 90, à la publicité des années 90, parce que dans le fond, c'est des jeux qui sont pour iPad et pour iPhone. Donc, c'est des jeux qui sortent là, là, sont tout neufs, tout récents. 5$ sur l'iPad, 1$ pour l'iPhone. Mais la raison que j'en parle, c'est pas parce que c'est un jeu de football, c'est à cause de la façon que les parodies sont faites, c'est vraiment cool. Sometime in the future, the ultimate challenge, Steve Young Football. Steve Young, Higgs and Mountain Tornado. Tu sais, là, dans le temps, hein, quand je chantais tout le temps dans les pubs, là, puis que ça avait l'air super kitsch, là, encore. Ouais. Puis carrément, ils jouent avec leur iPad, tu peux comme connecter deux iPads en même temps, puis lancer des affaires d'un bord puis de l'autre. Tu peux quasiment sentir le « Now you're playing with power » comme dans les pubs de Nintendo dans le temps. Ou encore, celle de « My iPad Buddy » est vraiment très excellente avec la belle petite chanson que c'est ça. Et bon, c'est bon. Il y en a qui vont se rappeler de cette pub-là comme c'était une pub de poupée dans le temps, tu sais. Fait qu'ils l'ont juste refait pareil, mais avec un iPad. C'est hot. Très. Tellement bien fait. Ah! Voilà, donc, vous pouvez retrouver les liens sur l'assemblagerequis.com, le site de l'émission, dans les notes de l'émission d'aujourd'hui, du mardi 14 septembre, assemblagerequis.com. My little iPad! T'en as-tu un, Mathieu? Non, ben non. T'en veux-tu un? Pas de suite. Plusieurs générations dans le futur, peut-être quand ils vont descendre beaucoup les prix. Beaucoup les prix. Donc je vais l'acheter de seconde main. En même temps, j'ai sorti des produits pas le plus récents. Tu sais comment je suis? Moi, je suis loser de même. Moi. Loser de même tout le temps. Faut que j'aille la dernière génération de toutes. Faut que je vende mes affaires puis que j'en rachète d'autres. C'est vraiment niaiseux de même. Mais bon. Toi? Non, mais on dirait que ça me tente de plus en plus. Ouais. Au début, je trouvais ça totalement inutile. Quand je pense que je t'avais parlé. Ouais. Puis, je sais pas, on dirait une belle grosseur, t'as what? Mais ça, à la place de sortir ton portable pour aller sur Internet ou n'importe quoi à la maison, je trouve que c'est une très bonne alternative. Ouais, c'est hâte, là, dans ton divan, hein, tu pic-pic, tu t'as pas d'affaire à être assis comme droit. Ou... C'est ça. Je sais pas si c'est pesant, hein, non? Ça... Ben, c'est assez pesant pour que si tu joues, mettons, en position assise, peut-être que tes bras vont commencer à se fatiguer après un certain temps. Mais ouais, comme qu'est-ce n'importe quoi. Pas quoi ça, c'est ça. Mettons, lis une feuille devant toi, à un moment donné, tu vas être tanné. C'est ça. N'importe quoi d'autre, un DS ou n'importe quoi. Bref, c'était mon dessert, Stéphanie. C'est mieux que Duck Hunt avec le petit chat la semaine passée? Ouais, vraiment. Mais c'est... Hey, ça faisait pitié, ton affaire. Moi, j'aimais ça. Il y avait un petit chat qui jouait à Duck Hunt sur une ça, TV, là. Franchement. C'était vraiment pas le fun pour nous autres. Parce que... Il y avait comme un petit malaise. Ah ouais, on s'en regardait. On s'en est reparlé après. Ouais. C'est pour ça que vous êtes tombés malades tous les deux en même temps. Ben, c'est sûr que ça a pas dû... ça a dû aider. C'est ça. On va l'entendre. Vous êtes toujours Assemblage Requis, premièrement. Mais ça, vous l'aurez deviné, étant donné le contenu comme vraiment... N'importe quoi. N'importe quoi, t'sais. On va l'entendre une pièce que t'as choisie, François, de Lost Patrol. Ouais. Hey, ça met de bonne humeur. Je vois le soleil qui s'en vient, là. Je pense que... C'est pour ça. Non, mais vous allez écouter la chanson, puis vous allez taper du pied ou hocher de la tête. Je pense une lumière qui est allumée dehors, là. Non. Peut-être. Je pense que oui. Non, je pense que non. Le soleil, c'est plus tard dans la journée. Ah, il y a du soleil, il y a du soleil. Ah ouais. Bon. Soleil est là. Super. Soleil. Soleil pour déjeuner. Hein? C'est quoi ça, là? Je pense que c'est Ginette Renault. Oh. Je pense que c'est Ginette Renault. Malaise. Oh.

stroboscope. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimance sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattre en finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Black white, black white, black white, black white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the bad effects. Your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of yesterday. So do me a favor, take notes and cut the ropes. Welcome to living life under the stroboscope. Nos envies dans sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Abattre en finesse et finance sous les stroboscopes. Tous tirant dans la tyrance sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Face to face. Dans sous les stroboscopes. Until you ride the slope. Dans sous les stroboscopes. Say what? Allez dans. Alex Nevsky avec Sous les stroboscopes de l'album De lune à l'aube. À Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Sous les stroboscopes, François. Sous les stroboscopes. Plein de lettres. Merci Mathieu Plante. Fait plaisir François-Olivier Marchand, vous êtes à Assemblage Requis. Pas vous, pas comme toi. Toi, moi, je suis un peu là avec ma grippe. Ouais, parce que c'était pardonné, tu sais. Merci Mathieu Plante. Ah, j'ai bonne mort quand même. Là. Oui. Oui. C'est... Boire beaucoup d'eau, se coucher de bonne heure. Moi, ça mange des oranges aussi. Ouais. Tantôt. Là. OK. Pas de nourriture en studio. Tu connais la règle. Ah, c'est vrai, excuse-moi. Maintenant, voici la chronique, c'est un fait. C'est un fait qui est la chronique où je vous apprends des choses que vous voulez peut-être pas nécessairement savoir, mais qu'après ça, vous allez faire comme « Ah, ben, puis là, vous l'oubliez complètement après ça. » Mais ça, c'est tout le temps des trucs bons à savoir, tu sais, mettons que tu fais des parties, tu fais « Hey, tu sais, puis des trucs, ça peut, on dirait que t'es intelligent. » C'est ça, un jeu de société a l'air un petit peu moins plate, tu sais. Oui. Hein? Tu l'es peut-être pas vraiment intelligent parce que tu fais juste répéter des affaires que t'as entendues à la radio. À la radio. Et voilà. Commençons avec les M&M rouges. Ils ont arrêté d'en fabriquer pendant 10 ans. Dans les années 70, des scientifiques de l'Union soviétique ont dit, ou en tout cas essayaient de dire aux gens que le Red Dye No. 2, ça, c'est un genre de colorant alimentaire, là, numéro 2, ça causait le cancer, qu'ils disaient. Hein? À ce moment-là, ce colorant-là était commun. On pouvait le retrouver dans de la crème glacée, dans du maquillage, dans des trucs pour faire des saucisses, la peau là, qui est autour. Non! Oui, incroyable! Mais par contre, on dit que ça n'a jamais été vraiment lié à des morts ou à des maladies, à rien du tout. Dans le fond, il y avait rien autour de ça. Mais la panique a quand même, à cause des rumeurs de cancer, là, ont quand même fait que le Red Dye No. 2 a été banni pendant 10 ans par la US Food and Drug Administration, ce qui a mené la compagnie de bonbons Mars, qui fabrique M&M, a enlevé les M&M rouges de leur line-up de bonbons, même si il n'y avait pas de Red Dye No. 2 dans les M&M rouges. C'est juste qu'ils étaient rouges, fait que les gens associaient le rouge au cancer. C'est bizarre, hein? Ouais, puis c'est bizarre, puis tu sais, dans le sens qu'il y a du bleu aussi, il y a du vert, tu sais, si le rouge, je vois pas, en tout cas, c'est pas... Mais c'était l'Union soviétique. C'était pas clair. Non. C'était comme ton mucus. C'était pas clair. Pas clair. Savais-tu que l'anniversaire de SpongeBob est le 14 juillet 1986? Ah oui, je sais ça. Ben, tout le monde sait ça. C'est montré sur le permis de conduire de SpongeBob, ce qui ferait qu'il aurait 13 ans au début de l'émission. Lors de la première. Par contre, le créateur Steven Hillenburg a dit officiellement que SpongeBob n'avait pas vraiment d'âge spécifique, juste qu'il était assez vieux pour vivre seul et aller à l'école de bateau, là, l'école de bateau qu'il y a dans l'émission. Le personnage, d'ailleurs, SpongeBob, devait s'appeler SpongeBoy à l'origine, mais son nom était déjà utilisé pour une mop. Oh! Fait qu'ils ont changé ça pour SpongeBob. Mais imagine en français comment ça se serait appelé, SpongeBoy. La mépange. Il n'y a pas de Bob, là. Il n'y a pas de Bob si tu l'appelles SpongeBoy en anglais. Bob n'existe pas. Le gars éponge. Le petit garçon éponge. Petit garçon éponge. Ben, c'est beau. Ça n'aurait pas pogné pantoute, ça. Une chance que t'es pas en marketing, hein, François? Hein? Non, mais tu sais, mais à la limite, pis des fois, tu sais très bien les traductions, ça veut rien dire. Ah, c'est ça, comme Vampires Suck, hein, qui au Québec est Mort-moi sans hésitation. Ça n'a rien à voir, ça. OK. C'est ça qui passe à vue. C'est un film de parodie qu'il y a au cinéma sur les vampires. Okay. Hein. Oui, vampire, je me tiens loin de ça, j'ai peur. Toi, c'est des loups-garous. Arrou. Arrou. 52% des femmes aimeraient mieux être minces que faire l'amour. Aimeraient mieux être minces que faire l'amour. Qu'est-ce que ça dit? Moi, j'aime mieux faire l'amour. Ben oui, c'est ce que je me dis aussi. la viande humaine, particulièrement celle d'enfant, de la viande d'enfant, était un grand morceau de la diète de l'homme préhistorique. Il mangeait de la viande d'humain et de la viande d'enfant dans le temps. Lugubre? Ouais, un peu lugubre. Mm-hmm. Avec un petit peu d'épices. Un petit peu de d'ail. Comme Les Survivants, le film. Ah, non. Tu as vu, c'est pas? Non, pas possible. Écrasement d'avion, là, dans les montagnes. Équipe de soccer, là, ou de rugby. Hein. Rugby, je pense. Ouais, rugby. Hein. Puis, histoire vraie. Ouais, ils se mangent entre eux autres. Là. Ça a l'air bon. Mais t'as pas le choix. Rendu à une certaine limite, tu peux comprendre, tu sais. Si Krim, de toute façon, il est mort, tu sais. Puis c'est pas. Un poulet, c'est pas même un plus hâte, là. Non, c'est ça, vraiment pas. Mm. L'Alaska est tellement grosse. Tu sais, l'Alaska, là. L'Alaska, tu connais ouais, ça, l'Alaska. Ouais. On pourrait y mettre 75 New Jersey. Ah! Quand même, hein? C'est pas mal de New Jersey, ça. Ben, je sais bien. Il y a eu 5 lions différents dans le logo de MGM. Tu connais MGM? C'est le roar. Ouais. Il y en a eu 5 pendant les années. Leur nom, Slats, entre 24 et 28, 1924-1928. Jackie, de 28 à 56. Tanner, de 34 à 56. Et George, de 56 à 58. Puis Léo, qui est maintenant le logo de MGM, entre 57 et le présent. Là, il y en a deux qui se pilent un par-dessus l'autre. Là. Tanner et George, pourquoi, tu vas me demander? Oui, pourquoi? Parce que Tanner a été le premier lion à être filmé en couleur. Oh! De là, la controverse. Et grosse controverse. Et un dernier fait sur les canneberges, tu vas adorer. J'en suis sûr, tu vas adorer ça. Savais-tu qu'on classe les canneberges en les faisant rebondir? Ah, non. Non? Tu sais, pour leur fraîcheur et tout ça. Et tout ça. C'était découvert, cette technique-là, par un homme qui avait une jambe de bois. Et à cause de son handicap, John Pegleg Webb, Pegleg, c'était son nom, il pouvait pas transporter ses canneberges de son loft jusqu'à sa ferme. Donc, à la place, il versait tout ça dans les escaliers. Complètement. Et puis, à un moment donné, il a remarqué que les plus fraîches et les plus fermes, des canneberges rebondissaient jusqu'en bas, alors que celles qui étaient plus molles et qui avaient des bleus ou des s'arrêtaient, se rendaient pas jusqu'en bas. Donc cette découverte-là menait à l'invention du Bounce Board Separator, qui est un appareil qu'on utilise encore aujourd'hui pour juger la qualité des canneberges. Toi. Formidable. C'est en fou, hein? C'est formidable. John Pegleg Webb. Pegleg. Demain, à l'émission, dans la chronique C'est un fait, on va avoir une chronique spéciale sur 25 faits de Mario Bros. À cause du 25e anniversaire. 25e anniversaire de Mario. Mathieu Plante va te compter? Oui, je vais adorer cette chronique. On s'en va entendre un petit peu de Gaslight Anthem. Avec la pièce de Queen of Lower Chelsea. Et ça, si je me trompe pas, et je sais que je me trompe pas, c'est sur le palmarès anglophone de Sifu. Oui. Juste après, c'est Maxime Lemieux Laramé. Restez là. Of New Orleans, or the uptight rowdy girl.

L'Odyssée Sonorisation fait la location de l'équipement pour le son, l'éclairage, l'audio-vidéo et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée Sonorisation. 971 rue Néry-Duplessis à Trois-Rivières. C'était tout à fait naturel. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky. François-Olivier Marchand est toujours là. Ah, ben, il a changé de place par contre, mais il est toujours là. C'est ce qu'on me dit. T'es-tu là? T'es-tu là? T'es-tu là? François-Olivier Marchand! Oui! Ah, t'es là. Je t'avais pas vu. Je t'ai pas su. Je l'ai trouvé très drôle. Merci. On a aussi Stéphanie Gagné qui est toujours là. Oui, toujours. Pas besoin de t'écrire après, t'es là. Non, je suis là. Il y a aussi Maxime Lemieux-Laramé qui vient d'arriver pour sa chronique Télécharge quoi, qu'on peut quand même lui dire un petit bonjour, bonjour. Bonjour. Yo. Caroline, c'était subtil comme bonjour, ça. J'attends ma toune pour commencer. Yo, motherfucker. Ah, ah, c'est le même, ça marche, toi. Faut absolument qu'il y ait une petite intro. S'il vous plaît. OK, bon, Caroline, on va accueillir Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique Télécharge quoi. Excuse-moi, moi aussi, je suis malade aujourd'hui. Ah. Salut les beautés, ça va bien? Salut Hello! La valise! Oh! Chaleur! Bon, commençons, débutons. Alors, j'espère que tout le monde va bien, surtout Stéphanie. Ah oh, oui, tu moi, ça pète le feu. Tu sais que seulement. Si je viens ici, c'est parce que t'es là. Ah, c'est sûr. Bon, OK. Ça, c'est étendu. Boom, chick-a-pow, wow. Poursuivons. Alors, cette semaine, j'avais le goût de discuter, de parler de Ratatat, un album qui est sorti le 8 juin dernier. C'était leur quatrième album studio. Moi, je suis allé voir le spectacle au Métropolis, leur spectacle mardi dernier, donc mardi le 7. J'ai vraiment beaucoup aimé. Quelques-uns de mes amis ont moins trippé parce que il y avait l'impression que bon le duo, il y en avait un des deux qui pesait sur play, puis c'était la tune de l'album qui commençait, c'était vraiment mais identique à l'album. Bon, je sais pas, tu sais, eux autres ils ont leurs deux guitares électriques, je sais pas à quel point bon ça peut en fait tout le rythme, tout le beat, il est en arrière, il est déjà enregistré. Puis eux, ils ajoutent leur guitare électrique. Je sais pas à quel point ça peut vraiment changer de l'album. Mais moi, j'ai vraiment trippé parce que j'étais avec plein de mes amis. Puis on écoutait Ratatat. Puis l'ambiance était vraiment, vraiment cool. On était un peu retirés, nous autres, en arrière du Métropolis. Je sais pas si vous savez un peu comment ça fonctionne. Il y a comme un peu les étages en arrière. Puis nous autres, on était en arrière. On s'est déplacé un peu vers l'avant. Puis c'était insoutenable. La chaleur, c'était suffocant. Fait qu'on est reparti du parterre. Mais c'est ça, il y avait vraiment un problème. Là. Tout le monde était suintant, dégoulinant. C'était dégueulasse. Mais c'était, nous autres, d'où on était, c'était vraiment cool. J'ai vraiment trippé. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire passer une pièce. La pièce qui a commencé le spectacle. Puis la semaine dernière, hors micro, je discutais avec François, puis il me disait « Ah, j'ai pas trop embarqué sur cette CD-là. » Fait que je voulais proposer quelques tunes pour apprivoiser le CD. Alors, moi, les premières tunes que j'ai vraiment aimées, c'était « Drugs »,« Neck Brace »,« Party with Children » puis « Bear Feast ». Alors, c'est la 2, 3, la 8 et la 10 qui sont excellentes. J'ai choisi une autre pièce de ces quatre-là. Celle qui commençait le CD, c'est la 5 Bob Gandhi. Alors, on écoute Ratatat avec leur CD LP4, Bob Gandhi. Télécharge quoi? Assemblage requis. C'est fou 89.1. Stéphanie Gagné. OK. OK. c'était Bob Gandhi de Ratatat, de leur dernier album qui est sorti au mois de juin dernier, LP4. Ok, c'est ça. C'était Ratatat. Donc, spectacle agréable. Bref, tu retournerais les voir? Ouais, moi je retournerais. Ben, j'attendrais un autre album, là, disons. Mais c'est ça qui était vraiment cool. Ils ont joué des pièces de leurs quatre albums. Puis c'était vraiment les pièces que j'aimais, que je pense que tout le monde aime aussi, là. Mais tu sais, c'était les hits. Puis le premier album, moi, je le connaissais plus ou moins. J'étais allé voir des critiques, puis tout, tu sais, sur Pitchfork, ils disent que c'est le meilleur album, le premier. Fait que c'est ça que j'écoute ces temps-ci, le premier album. Puis vraiment, vraiment excellent. Il est plus facile à écouter, tu sais, les autres. Bon, c'est agréable de faire le party dessus, mais le premier est vraiment agréable à écouter, là, soit en étudiant ou en faisant quelque chose de peut-être plus intellectuel. Mais moi, c'est vraiment le deuxième, là, classique, ce que j'ai aimé le plus. Avec Wildcat, puis... Ouais, Lex, puis Gettysburg, puis ils ont joué les 4-5 meilleures tunes de l'album. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Là. Ils sont pas juste restés avec leur dernier album, ils ont tout joué. Puis les projections en arrière... C'est écœur, hein, ça aussi. Là. Ouais, il y a comme 3 écrans, il y en a 2 sur les côtés, puis une en arrière. Puis c'est ça, là, tu sais, c'est de l'art visuel, là, disons. Là. Mais tu sais, souvent, ça fit avec le beat, puis... Tu sais, il y a des petits ajouts un peu, je sais pas, de cordes. Bon, il y a le violoncelle, puis du violon, puis il y a comme 2 personnages, genre, des années, je sais pas, du 17e siècle, qui arrivent, tu sais, avec leurs grosses perruques, puis qui jouent un peu de leurs cordes. En tout cas, c'était vraiment cool, puis ça fitait avec le beat, mais... C'était ça qui faisait le spectacle. Parce que eux autres, tu les vois pratiquement pas, hein, les deux musiciens. Je sais pas quand t'étais allé, toi, François. Ben, je vous voyais un peu, mais c'est pas des gars qui bougeaient. Non, c'est ça. Ils restent comme dans le noir, puis ils laissent vraiment plus leur projection donner le spectacle. Mais c'était vraiment cool. Les images étaient cool. Puis sur la première pièce ou la deuxième, il y avait des images de... Tabarnouche, je me rappelle plus du film, mais avec Arnold Schwarzenegger, puis à la fin, tu vois vraiment un gros plan d'Arnold Schwarzenegger, notre gouverneur. Ben, pas notre gouverneur, mais gouverneur de l'État de la Californie. Le gouverneur du peuple. Ouais, du peuple. Alors, ouais, vraiment trippé sur Ratatat. Puis tout ça pour dire que demain, mercredi, ouais. C'est le spectacle de la rentrée présenté par plein de gens, dont la GEQTR. Oui, la GE Espace UQTR. Exact. Ouais. Et puis, il va y avoir Mister Valère. Mr. Valère. Mr. Valère. Et puis, c'est ça, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est à quelle heure ça commence? Je sais pas. 7h30. 7h30. Et puis, ça se déroule au 10-12. Ouais, 10-12, Néré-Beauchemin. Ouais, 7h30. Tu vois, je t'aime pas ça. Allez-y, alors, il va y avoir 3 parties, là, par contre. Pour... Prodige Galsen. C'est Atomic Baobab. Après, Prodige Gasson, puis après ça, Mister Valère. Ouais. Fait qu'allez-y, parce que sinon, ça serait de Valère qui est personne. Hein? Hein? Oh. J'attendais. Oh. Alors, c'est ça, dernier album de Mister Valère, Golden Bombay, que j'ai beaucoup aimé aussi. Là, j'ai entendu dire que Stéphanie n'a pas embarqué encore dans le CD. Il y a quelques chansons que j'adore, que je trouve super bonnes, mais c'est des chansons qui ressemblent à Friday Night, leur dernier album. OK. Parce que moi, j'aime ça quand Mister Valère, il n'y a pas de paroles, c'est juste l'électro, puis il n'y a pas vraiment... C'est pas une chanson ordinaire, tu sais, refrain, tout le kit, là. Moi, je pense qu'ils ont essayé de faire de quoi. Il y a vraiment beaucoup de collaborations avec des chanteurs. C'est ça, ils ont essayé de faire de quoi super commercial. Puis moi, j'aimais mieux ce qu'ils faisaient avant. Ah, peut-être qu'ils ont tenté de s'en aller vers le commercial. Ben, ça a marché aussi. Un plus grand public. Ouais, ouais, c'est ça, ça fonctionne. Ça a l'air à ça. Anyway, la chanson que j'ai choisie, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de chanteur. C'est une chanson que j'aime de l'album, justement. Tu veux-tu la nommer, Mathieu? Oui, pas de problème, c'est Monster Dante. Non, je regardais le nombre de pièces. Il y a 11 pièces, puis 1, 2, 3, 4, 5 featuring. Ouais, donc, c'est ça. La moitié de l'album, ouais, presque, pas des featuring. Mais elle a quand même des bonnes avec des featuring. Le Gumshoe est très bonne. Oui. La 2. Avec Fanny, pas Fanny Bloom. Non. Benny Barbecue. Ouais, puis aussi la pièce avec Gigi French. Moi, je l'aime. Ouais. Mojo Ego. Mojo Ego. Qui a déjà été sur le palmarès. Hein? Oui. Je suis mes palmarès. Ben, tu fais bien. T'es à l'affût. T'es une groupie de Mathieu et Stéphanie. C'est ça. Ben, plutôt de Stéphanie. Alors, let's go. Ah, ok. Pas super. D'accord. Mister Valère. À vos ordres, capitaine. Mister. Alors, c'était Mystère Valeur qui seront au 10-12 demain, mercredi 15 septembre 2010, il faut le rappeler. 15-09-2010. Quelle pièce on a entendu, Mathieu? C'était la pièce Monster Dante. Monster Dante, Mystère Valeur de leur dernier album Golden Bombay. Est-ce que vous écoutiez ça, vous, les Mighty Ducks? Ouais. Ouais, moi, j'écoutais ça en tabarnak. Bof. Je connaissais toutes les répliques, j'étais fatigué. Alors, dernier artiste dont je veux discuter. Alors, soyez-y. Pourquoi tu parlais des Mighty Ducks? Ouais, c'était quoi le lien des Mighty Ducks? Ah, ben, vous savez pas que Golden Bombay, c'est en honneur du coach des Mighty Ducks, Gordon Bombay? Ah! Vous saviez pas ça? Je pensais que c'était le Docteur Bombay dans ma sorcière bien-aimée. Non, non, c'est Golden Bombay pour Gordon Bombay. Wow! Dans les Mighty Ducks. Hein, je vous apprends des affaires, je pensais pas que c'était encore possible. C'est un fait. Ouais. Donc, c'est ça, allez au 10-12, hein? Oui, soyez-y. Soyez-y. Demain soir. Demain soir, à partir de 19h30. Don't miss it. Don't miss it. Manque pas ça. Alors, dernier artiste dont je veux discuter. Vas-y. Un album que j'attendais plus ou moins parce que j'étais très satisfait avec les trois premiers albums. Mais c'est le plus récent de Interpol. Album homonyme, hein, comme il faut le dire. Oui, apparemment maintenant, oui. Ouais, j'aurais dit éponyme avant de te connaître, Mathieu. Avant de voir le droit chemin. Alors, c'est pas moi qui ai décidé ça pendant tout. Je trouve non, ça non, non, au bout. C'est toi qui m'en a parlé. Ouais. Toi et Alain Lefebvre. Alors, album homonyme, ça, c'est ça. Pour, ça, ceux qui le savent pas, là, ça veut dire que l'album s'appelle le même nom que le band. C'est ça. Parce que éponyme, ça voudrait dire que le nom de l'album a donné son nom au groupe. Band, c'est ça. Donc, le groupe s'appelle comme ça à cause de l'album, ce qui est faux. C'est faux. C'est un mythe. Alors, c'est ça, j'ai pas écouté tant que ça le dernier album d'Interpol. J'ai peut-être écouté deux fois, plus ou moins attentivement. J'ai retenu quelques titres qui sont quand même pas pires. Moi, j'ai vraiment apprécié, comme on en parlait hors micro, le premier et le troisième album. Alors, Turn on the Bright Lights de 2002 et Our Love to Admire, qui est sorti en 2007. J'ai moins écouté Antix, là, mais je pense que c'était bon quand même. J'ai regardé les critiques sur Pitchfork et puis, bon, le plus récent a mangé une volée. Ils en disent des affaires à Pitchfork. Ouais. Hein? Je pense que pour être apprécié sur Pitchfork, il faut vraiment que tu arrives avec un nouveau concept ou il faut vraiment que tu révolutionnes quelque chose. Sinon, si tu continues à faire la même chose... C'est pas nécessairement bon. Ce qui aime eux autres, c'est genre Dirty Projectors, que j'aime une chanson. Ouais, c'est ça. Animal Collective, Grizzly Bear. MIA, capote-tu encore sur MIA? Non, il est très plus. Ah, c'est fini ça. Ouais. Ils ont pas donné une bonne cote, pas en tout. Ben là. Ouais, en tout cas. Je comprenais pas le. En tout cas. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais même Ratatat, là, le dernier album aussi, a mangé une volée. Là. Je pense qu'ils ont donné 5 sur 10, alors que les premiers albums, il y avait au-dessus de 7, des fois 8. Yes, Ayer, dont je parlais tantôt, 6. Ah ouais, 6. Je pense que le premier album, il y avait eu... En tout cas, peu importe, des cotes, là. on devrait pas commencer, c'est ça, à discuter de cotes, peu importe. Donc, Interpol, groupe new-yorkais. Par contre, le chanteur vient d'Angleterre. Fait qu'il y a peut-être un son un peu anglais qu'on retrouve, bon, je sais pas, dans Editors, un peu Franz Ferdinand. Mais pas beaucoup, mais c'est un peu plus dark que Franz Ferdinand, mais des fois... la guitare peut peut-être un peu ressembler. Donc, la pièce que j'ai choisie, c'est Summerwell. C'est la pièce, la troisième pièce, je pense, de l'album. Summerwell. Alors, on écoute ça tout de suite. Vous êtes toujours à Télécharge quoi dans l'émission Assemblage requis avec Mathieu, François et Stéphanie. Ta préférée. Ouais, aujourd'hui, t'es ma préférée. La semaine prochaine, ça va peut-être changer. C'est bon. Peut-être. Tu vas trouver sur Mathieu Plante. Allez.

good to be back, good to be back. Spell it out. I always skip the words, 'cause all the pictures are. Done it. Tokyo, Police, Club. Club. Breakneck Speed est le nom de la pièce. C'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. C'était le fun? Oui, ça s'est bien déroulé malgré mon état de santé plutôt inquiétant. T'as bien dit ton nez, état de santé. Mon nez, état de santé. Donc, on va remercier nos chroniqueurs d'aujourd'hui. On a eu Stéphanie Gagné, on a eu Maxime Lemieux, Aramé. Et puis, on a eu Émilie Gauthier aussi. Merci. Merci à vous. Merci demain... à toi, Mathieu, d'être là. Merci à toi aussi. Demain, à l'émission, on va avoir plein de bonnes choses. Noémie Guimond de La Corderie va venir nous parler c'est quoi La Corderie, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on s'inscrit, si on a le goût. Oui. On reçoit aussi les gars de La Luître. La Ligue universelle d'improvisation de Trois-Rivières. Et t'auras tout l'offre. Eh oui. Demain. On va aussi avoir une chronique CNX et puis c'est un fait comme à tous les jours ou presque. All day long. Restez à l'écoute pour le dîner de con qui s'en vient à 11h tout à l'heure avec Danny Janvier et ses collaborateurs. Hey, une petite mention honorable aux betteraves hurlantes hier, c'était très drôle. Très bonne émission. Très bon point d'ailleurs, si vous avez raté les betteraves hurlantes demain, ça va être en rappel samedi après-midi. Donc soyez là pour ça, les betteraves hurlantes. Ça vaut la peine, c'est vraiment très drôle. Nous, on se quitte, on se retrouve demain matin dès 7h avec une autre édition de l'Assemblage requis. Les nouvelles Radio-Canada vont commencer dans quelques secondes à peine. Passez une excellente journée. Salut François. Salut Mathieu, à demain. Salut les requins. Allô. Allô les requins. Allô. Ah, allô comme dans ils s'en vont. Allô les requins. Allô les requins.